بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On commence aujourd'hui le cours numéro 55 dans l'explication de la Aqidah d'Ahl Sunnati wal Jama'a écrit par le Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala. Et dans le livre, on est arrivé à la partie où le Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymeen, il dit « وَنُؤْمِنُ بِأَنَّ لِلَّهِ عَيْنَيْنِ اثْنَتَيْنِ حَقِيقِيَّتَيْنِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَاصْنَعِ الْفُلْكِ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا واصنع الفلك بأعيننا ووحينا. Donc l'attribut maintenant dont on va parler, parmi les attributs d'Allah que le Cheikh maintenant il explique, après avoir expliqué les attributs de la main, maintenant il parle des attributs des yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc il dit, et nous croyons que Allah subhanahu wa ta'ala a deux yeux réels, et il mentionne à ce sujet le verset numéro 37 dans sourate Hud, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qu'il signifie, et construit l'arche sous nos yeux, et par notre révélation, par notre inspiration. Donc dans la traduction, ils ont seulement traduit la partie du verset qui dit sous nos yeux. Non. Et construit l'arche sous nos yeux et d'après notre révélation. Donc, ça c'est une preuve, et il y a d'autres. Cheikh, il va mentionner d'autres après. Mais on va commencer par ça. Donc, Cheikh Ibn Uthaymeen, il explique maintenant ce point-là. Il dit, wa qawluhu aynayn al-afsah kasr al-nun. Fal-mashhur kasr al-nun fil-muthanna. Wa fathuha fi jam' al-muthakkar al-salim. وقد تفتح في المثنى ومنها قول الشاعر أعرف منها الجيد والعينان ومنخرين أشبه ظبيانا. هذا هكذا استدل النحويون والقائل رجل من بني ضبة. ولذلك يقع في النفس شك من أن هذا مصنوع، لأنه جمع بين لغتين، أعرف منها الجيد والعينان، فألزم المثنى الألف ولم ينصبه بالياء، ثم قال ومنخرين ونصبه بالياء. والعربي لا يمكن أن يأتي بلغتين، فالعربي لغته ولهجته واحدة، فلذلك القول بأنه مصنوع يعني مكذوب قول قوي. Donc ici le cheikh il explique une question grammaticale. Donc quand quelque chose est duel, en général il termine avec un kasra sur le nun. وفتحها في الجمع المذكر السالم. Et quand c'est al-jam' al-mudhakkar al-salim, comme muslimoun, mu'minoun, eh bien, sur le nun, il y a un fatha. Mu'minouna, muslimouna. Et quand c'est le duel, ça termine par une kasr. Aynayn, salimani, muslimani, et ainsi de suite. Bon, il dit. Donc, c'est, là, après, il cite un vers de poésie, parce que les savants de la langue, lorsqu'ils veulent établir une preuve sur les questions grammaticales, ils ramènent toujours des vers de poésie des Arabes pour établir que les Arabes parlent de telle façon. Hein? Donc, ils ramènent, comme par exemple, ce vers-là. Mais le cheikh, il explique ici que le vers en question, il n'est pas convaincu de sa force comme preuve, parce qu'il dit qu'il a ramené les deux règles différentes. Donc, il n'est pas, comme il dit, c'est pas fort comme preuve. De toute façon, l'important, ça, c'est des questions grammaticales. Après, il dit « Wa qawluhu wa nu'minu bi anna lillahi aynayni ifnatayni haqiqiyatayni wa qawluhu lillahi aynayn hadhihi tathniya ifnatayni ta'kid haqiqiyatayni nafyun lilmajaz fallahu subhanahu wa ta'ala lahu aynan ifnatan haqiqiyatan. » Donc le cheikh, il explique que Allah subhanahu wa ta'ala, il a deux yeux, hein? Et donc il dit aynayn, on sait que en arabe c'est pas comme en français. En français il y a le singulier et le pluriel. En arabe il n'y a pas seulement le singulier et le pluriel, il y a aussi le duel. Et donc ici il dit que Allah a aynayn, donc ça veut dire deux yeux. Puis il rajoute après ifnatayn. Hein, deux. Donc il dit Allah a deux yeux. Il dit ifnatayn en voulant, c'est pour confirmer, hein, le duel. Encore une fois, aynayn ifnatayn. C'est comme si tu disais par exemple, hein, j'ai un seul manteau ou j'ai un seul stylo. Donc tu dis un, puis après tu dis seul. C'est pour confirmer. Hein? Donc ici aynayn ithnatayn, et après il dit haqiqiyatayn. Haqiqiyya, ça veut dire réel, et haqiqiyatayn c'est par rapport, parce que le nom est duel, donc son adjectif il est pareil, il suit la même règle que, hein, il se suit en nombre, donc, et en genre. Donc on va dire aynayn haqiqiyatayn parce que c'est féminin. En général, parmi les, comme par exemple, je sais pas si c'est une règle, mais c'est ce que j'ai constaté dans, même, je pense qu'il y a un prof qui avait dit, tout ce qu'on a en double, il est féminin. Comme les deux yeux, les deux oreilles, les deux mains, hein, ça c'est féminin. Puis qu'est-ce qu'on a un seul, comme un nez, une bouche, ça c'est masculin. Hein? C'est à confirmer par contre, hein? Mais d'après qu'est-ce que je me souviens, c'était ça. Ok. Wad-dalilu, donc il dit, quand il dit aynayn, c'est pour établir le duel, hein, que Allah a deux yeux. Ifnatayn, c'est pour confirmer. Et haqiqiyatayn, pourquoi il dit réel, c'est pour nier c'est pour nier que ce serait dans un sens symbolique ou allégorique, hein? En voulant dire c'est pas allégorique, c'est pas symbolique, c'est des deux yeux réels, hein? Et il dit ensuite وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ الدَّلِيلُ لَا يُطَابِقُ الْمَدْلُولُ لِأَنَّنَا قُلْنَا عَيْنَيْنِ وَاسْتَدَلْنَا بأعيننا ومن شرط الدليل أن يكون مطابقا للمدلول فكيف ذلك؟ الجواب فالجواب أن نقول إن وجه المطابقة أن قوله بأعيننا جمع لفظا لا معنى، لأن الثابت أن لله عينين اثنتين، والجمع هنا إما أن يراد به مطلق التعدد وإما أن يراد به التعظيم، فإن أردنا مطلق التعدد فهو على قول من يقول إن أقل الجمع اثنان، وإذا قلنا المراد به التعظيم صار المراد بهذا الجمع التعظيم لا حقيقة العدد وكلاهما صحيح يعني إن قلنا إن بأن الجمع يدل على مطلق التعدد ولو اثنين فالأمر واضح وإن قلنا إنه يدل على ثلاثة فأكثر ولكنه جمع هنا للتعظيم فهو أيضا واضح. Donc ici le cheikh il mentionne que la preuve qui a été mentionnée, le premier hadith qui a été mentionné comme preuve que Allah subhanahu wa ta'ala il a deux yeux, c'est le verset qu'on a lu dans sourate Hud, wasna'il fulk bi'ayunina. Ça c'est l'ordre que Allah a donné à Nuh alayhi salam de construire l'arche, et il dit construis l'arche sous nos yeux. Et ici il dit, si quelqu'un posait la question, ou si quelqu'un pourrait s'objecter, ou quelqu'un pourrait dire pourquoi ici vous ramenez une preuve et cette preuve là elle n'est pas disons du même nombre, hein, ou elle n'est pas dans le elle correspond pas exactement à qu'est-ce que vous avez mentionné comme exemple du fait que Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le verset bi'ayunina, donc ça c'est le pluriel, alors que vous avez mentionné le duel aynayn. Donc pourquoi dans ce cas-là vous avez utilisé un dalil qui mentionne le pluriel alors que vous avez mentionné le duel lorsque vous avez mentionné l'attribut d'Allah et qu'il a deux yeux? Donc yani, où est-ce qu'elle est la correspondance entre l'exemple et la preuve? Et le cheikh il répond à ça en disant que en réalité quand Allah subhanahu wa ta'ala dit bi'ayunina, hein, sous nos yeux, hein, ici c'est un pluriel dans le terme mais pas dans la signification. Il dit parce que qu'est-ce qui est connu, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala a deux yeux. Et donc il dit ici soit que on veut parler du minimum, hein, du pluriel minimum. Il dit le pluriel minimum c'est deux, parce qu'en arabe ils disent bon le singulier c'est un, le pluriel c'est trois ou plus, puis le duel. Mais il y a aussi les ulama ils disent aussi que le minimum du pluriel c'est deux aussi, le minimum du pluriel c'est deux. Donc c'est soit que ça veut dire le minimum du pluriel dans le sens que deux fait partie du pluriel aussi, donc dans ce cas là c'est une signification qui est correcte, ou que le terme pluriel bi'ayunina ici c'est pas le nombre qui est voulu, mais c'est le respect, c'est le pluriel du respect, c'est ça. Donc quand il dit sous nos yeux, c'est pas pour dire le nombre, mais c'est pour montrer le respect, hein, c'est l'honneur, le pluriel de grandeur et de majesté. Donc c'est comme ça que le cheikh il explique. Donc dans les deux cas c'est correct, hein, et c'est clair. Après il dit wa wajhu qawlihi lit-ta'zim annahu udifa ila ma yaqtadi al-'adad wa huwa na bi'ayunina. وهي هنا لا شك أنها للتعظيم لأن الله واحد عز وجل فإذا كانت للتعظيم فإن تعظيم المضاف إليه اكتسب منه المضاف تعظيما فصار تجري بأعيننا وليس لله أكثر من اثنتين فهذا تقرير وجه الاستدلال بالآية. Donc ici, hein, Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne, il dit sous nos yeux par respect, hein, c'est pour la grandeur et le respect, parce que c'est clair que Allah il est unique, il n'est pas plusieurs, hein, il n'est pas multiple, et donc ça c'est clair dans ce cas-là que yani c'est dans le sens de la grandeur et de la majesté. Comme par exemple Il dit inna nahnu nazzalna adh-dhikra. Inna nahnu nazzalna adh-dhikra. Donc inna, il y a le pluriel dedans. Nahnu, c'est la première personne du pluriel. Nazzalna, hein, ça aussi c'est le pluriel encore une fois. Donc le pluriel est répété plus que quatre fois dans ce verset là seulement. Et ça, c'est le respect de grandeur et de majesté. C'est le pluriel de grandeur et non de nombre. Donc c'est clair ici que le quand Allah il dit bi'ayunina, c'est pas dans le sens du nombre, mais dans le sens du respect, de la grandeur et de la majesté, hein, d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, le cheikh il mentionne la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit wa qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam hijabuhu an-nur law kashafahu la ahraqat subuhat wajhihi man taha ilayhi basaruhu min khalqihi. Donc ça c'est c'est un hadith dans la sunna, hein, qui confirme également que Allah subhanahu wa ta'ala, il a l'attribut de al-basar, hein, la vue, hein, et qu'il a deux yeux et qu'il a la vue. Donc ici le cheikh il cite ce hadith qui dit, ce hadith qui est rapporté par Muslim selon Abu Musa al-Ash'ari, qui dit son voile est de lumière, hijabuhu an-nur, son voile est la lumière. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il se voile de lumière. S'il le retirait, c'est-à-dire s'il retirait ce voile, la lumière de son visage brûlerait toutes ces créatures se trouvant à portée de sa vue. Hein? Donc, le cheikh maintenant, il va expliquer ce hadith-là. Il dit « Wa qawluhu » وقال النبي صلى الله عليه وسلم حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه أي حجاب الرب عز وجل الذي احتجب به عن المخلوقات النور وهو نور عظيم عظيم عظيم لا يشابه نور الشمس ولا غيره مما نشاهد بل هو أعظم ومع ذلك لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه والسبحات هي البهاء والعظمة والجلال فلو كشف هذا النور الحائل بين الله وبين الخلق لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه وهذا الشاهد من هذا الحديث بصره حيث انتهى بصر حيث أثبت لله بصرا. Donc ici le cheikh il explique que le voile d'Allah subhanahu wa ta'ala, hein, Allah subhanahu wa ta'ala, il se voile de lumière. Hein? Et il dit, il se voile de ses créatures. Il se cache de ses créatures. Et il se voile de ses créatures par de la lumière. Et c'est une lumière immense, immense, immense, qui ne ressemble pas, même pas à la lumière du soleil. Hein? Et aucune autre lumière qu'on peut voir, hein? Aucune autre lumière parmi les lumières dont on peut être témoin dans ce monde. Il dit même que cette lumière là elle est plus grande que ça encore, plus grande que le soleil, plus grande que toutes les lumières qui existent dans ce monde. Il dit mais malgré ça, si Allah subhanahu wa ta'ala retirait ce voile, hein, si Allah subhanahu wa ta'ala retirait ce voile, l'éclat de son visage, hein, les éclats de son visage, et les majestés et l'éblouissance et la grandeur et la majesté et l'éclat de son visage brûlerait toutes ces créatures se portant à la portée de sa vue. Subhanallah. Donc, le cheikh, il dit que As-Subuhat, c'est ça, c'est Al-Baha, Wal-Azama, Wal-Jalal. Al-Baha, c'est l'éclat, la grandeur, la majesté, la majestuosité, et ainsi de suite. Donc, s'il retirait ce voile entre lui et ses créatures, l'éclat de son visage brûlerait tout ce qui est sous la portée de sa vue. Et ça, c'est la preuve. Qu'est-ce qu'on veut tirer de ce hadith-là? C'est l'attribut de Al-Basar, que Allah subhanahu wa ta'ala, il a comme attribut Al-Basar. Il est Al-Basir, il voit tout, et un de ses attributs, c'est Al-Basar. Il dit wa qawluhu la ahraqat subuhat wajhihi man taha ilayhi basaruhu لا يقال إن هذا دليل على أن بصر الله له منتهى ولكن فيه دليل على أن المبصر له منتهى دون البصر وإذا كان يحترق من تهى إليه البصر من خلقه صار كل الخلق يحترق من النور العظيم لو كشف الله حجابه الذي احتجب به عن الخلائق لاحترقت الخلائق كلها من النور العظيم لقوله لأحرقت سبحات وهو بهاؤه ونوره وعظمته ما انتهى إليه بصره من خلقه فسبحان الله العظيم هذا تمثيل عظيم جدا. Donc le cheikh il dit que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit les éclats de son visage ou la majestuosité ou la majesté ou la grandeur et l'éblouissance de son visage aurait brûlé tout aurait brûlé toutes ces créatures se trouvant à portée de sa vue. Et le cheikh il explique que on peut pas prendre ça comme voulant dire ou comme disant que la portée de sa vue a une limite, comme certains ils comprennent ça, et ça c'est une fausse compréhension, parce que c'est plutôt une preuve que ce que Allah subhanahu wa ta'ala regarde, ou que ce que Allah subhanahu wa ta'ala voit de ses créatures, c'est ça qui est une limite, c'est sa création qui est une limite, et non pas sa vue. Et ça veut dire en réalité que c'est toute la portée de sa vue brûlerait toute sa création sans exception. Ça détruirait tout, ça brûlerait tout complètement. Et ça veut dire que toute sa création serait brûlée par cette immense lumière et cet éclat majestueuse. Si Allah subhanahu wa ta'ala retirait son voile de lumière, ça brûlerait toutes les créatures sans exception. La majesté, l'éclat, la magnificence d'Allah subhanahu wa ta'ala brûlerait tout. Toutes ces créatures, toutes les créatures, tout, les astres, le soleil, la lune, les étoiles, tout ce qui existe serait brûlé par Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc ça c'est un exemple incroyable. Et quelqu'un pourrait poser la question, bon, si c'est comme ça, comment est-ce que dans ce cas-là on va pouvoir le voir dans le paradis? Mais ça c'est comme les ulama ils ont expliqué, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala au jour de la résurrection il va nous donner la possibilité et la capacité d'être capable de supporter, de le regarder. C'est aussi l'exemple de Moussa alayhi salam quand il a dit « Laisse-moi te voir ». Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Regarde la montagne ». Si la montagne reste, supporte-la, si la montagne elle reste debout, tu me verras. Et quand il s'est manifesté à la montagne s'est pulvérisée. Et il est tombé foudroyé, sans connaissance. Alors, ça veut dire que, yani, les créatures dans ce monde ne peuvent pas voir Allah dans cette vie d'ici-bas. On ne pourrait pas supporter de voir Allah, subhanahu wa ta'ala. Sauf que dans l'au-delà, Allah subhanahu wa ta'ala va permettre que l'être humain soit capable de supporter de le voir. Et il n'y aura rien de meilleur et de plus beau et de plus grand que cela pour les habitants du paradis. Ce sera la plus grande des récompenses. Et des plus grands délices du paradis, c'est de voir Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, le cheikh, il dit فدل ذلك أيضا أن هاتين العينين يبصر بهما جل وعلا لأن العينين هما أداة الإبصار ولو لم يرد ما انتهى إليه بصره وما كنا نعقل إلا أن للعينين إبصارا وإلا لكانت هذه العين ناقصة فتقرر لدينا عقيدة وهي أن لله عينين اثنتين حقيقيتين بدليل أن بهما بصرا والدليل أن بهما بصرا قوله ما انتهى إليه بصره من خلقه. Donc le cheikh il dit que ça c'est la preuve également que Allah subhanahu wa ta'ala il a deux yeux par lesquels il voit. Parce que les yeux sont les yeux sont les choses par lesquelles on peut voir. Les yeux sont les choses par lesquelles on peut voir. Et si Allah n'avait pas dit, ou bien si le prophète sallallahu alayhi wa sallam plutôt n'avait pas dit dans ce hadith la portée de sa vue, on n'aurait pas pu comprendre, on peut pas comprendre de ça autre chose, on n'aurait pas pu comprendre autre chose que la vue des deux yeux, que les deux yeux ont une vue réel. Wa'illa, donc sinon, à quoi servent deux yeux s'ils ne voient pas? Si quelqu'un il a deux yeux qui ne voit pas, dans ce cas-là, ça veut dire que ça ne sert à rien. Fataqarrara ladayna aqida. Donc on en sort avec une conviction, une croyance certaine. C'est que Allah subhanahu wa ta'ala, il a deux yeux qui sont réels, et la preuve c'est qu'il peut voir de ces deux yeux là. Et la preuve qu'il peut voir avec ses deux yeux, c'est dans ce qu'il dit dans le hadith, man taha ilayhi basaruhu min khalqihi. Toute la portée de sa vue, tout ce que la portée de la vue d'Allah touche de ces créatures serait brûlée par son regard, par sa vue, par les éclats de son visage. Et il dit فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ مِنْ أَيْنَ لَكَ أَنَّ اللَّهَ يَرَى بِعَيْنِهِ فَالْجَوَابُ أَنْ نَقُولَ إِنَّ الْعَيْنَ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ وَعَلَيْكُمْ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ إِنَّ الْعَيْنَ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ تُفِيدُ مَعْنَى النَّظَرِ تفيد معنى النظر بها ثم إن عندنا هذا الدليل ما انتهى إليه بصره من خلقه Donc il dit, si quelqu'un posait la question, mais d'où peux-tu savoir que Allah subhanahu wa ta'ala, il voit avec ses yeux, hein, avec ses deux yeux. Et il dit, la réponse est que, yani, on peut dire que l'œil, lorsqu'il est employé, c'est toujours dans le sens de la vue, hein, du regard. On a des yeux pour regarder et pour voir. ثم إن عندنا هذا الدليل. Et puis ensuite on a ce dalil, le hadith de Abu Musa al-Ash'ari qui dit que يعني من تها إليه بصره من خلقه. Donc tout ce qui est touché par la portée de son regard. Exactement, parce que la vue c'est une perfection, c'est pas une imperfection. Et quand tu regardes aussi comment Allah subhanahu wa ta'ala il réfute les idolâtres qui adorent ceux qui ne voient pas et ceux qui n'entendent pas, hein, et ceux qui ne savent rien. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il les réfute, les mushrikines, en leur disant, comment vous adorez ceux qui ne peuvent pas ni voir ni entendre, hein, qui ne savent rien. Et donc eux ils sont en train de dire à propos d'Allah la même chose que ce que les mushrikines, hein, savent à propos de leurs idoles, qu'ils ne peuvent ni voir ni entendre, et eux ils disent que Allah il n'a pas d'ouïe, il n'a pas de vue. Donc c'est comme s'ils sont en train de rabaisser Allah subhanahu wa ta'ala au même niveau que les idoles des mushrikins. Et ça c'est grave. Hein? Et les gens qui nient ça, qui nient la vue et l'ouïe et les autres attributs d'Allah, c'est les gens de ta'til, les gens les négateurs des attributs, parmi les gens de kalam. Soit les plus extrémistes parmi eux, comme les Jahmiyyah et les Mu'tazila, et puis aussi les autres qui sont venus après, comme les Asha'ira et les Maturidiyah, qu'on retrouve encore aujourd'hui, malheureusement, et qui ont cette aqida d'égarement, de nier les attributs d'Allah ou de déformer leur sens. Donc ils disent, la main, ça ne veut pas dire la main, ça veut dire la force. L'ouïe, la vue, ça ne veut pas dire la vue, ça veut dire... quelque chose d'autre, je ne sais pas comment il l'interprète. Donc il déforme le sens réel de ces attributs-là. Donc le cheikh il dit ensuite, wa ajma'a ahlu sunnati ala anna al-aynayn ithnatayn wa yu'ayyiduhu qawl an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fi ad-dajjal innahu a'war وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرٍ. Hein? Donc le cheikh il dit que les gens de la sunna sont tous d'accord, se sont tous mis d'accord sur le fait que Allah subhanahu wa ta'ala il a deux yeux, et qu'est-ce qui vient supporter la parole, hein, ou la position que Allah subhanahu wa ta'ala il a deux yeux, c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam à propos du Dajjal. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le Dajjal il est borgne, hein, il a un seul œil, et votre Seigneur n'est pas borgne, c'est-à-dire il n'a pas qu'un seul œil. Donc c'est ça, le cheikh Ibn Uthaymin il explique ce point-là. Il dit, وقوله وأجمع أهل السنة على أن العينين اثنتين نقل هذا الإجماع أبو موسى أبو الحسن الأشعري وغيره ممن اعتنوا بنقل الآثار على أن أهل السنة أجمعوا على أن الله أن لله عينين اثنتين فقط وأما من قال بل له أعين كثيرة لا تنحصر باثنتين فقوله خطأ لا شك من وجهين: أولا أنه مخالف لإجماع السلف، وثانيا أنه مخالف للدليل والدليل سبق الكلام عليه. Donc le cheikh il dit que les gens de la sunna sont tous d'accord sur le fait que Allah subhanahu wa ta'ala il a deux yeux, et ce consensus a été rapporté par Abu al-Hasan al-Ash'ari, Hein, et vous savez que Abul Hassan al-Ash'ari, c'est à lui qu'est attribuée la secte des Ash'ariyah aujourd'hui. Toutefois, lui-même, cet imam, Abul Hassan al-Ash'ari, hein, qui est né en l'an environ 260 après le prophète, après la hijra du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il est né en l'an 260, il est mort en l'an à peu près 3, on dit à peu près 320 et quelques. Hein. Donc à 40 ans, on dit qu'à 40 ans, parce que pendant 40 ans il était avec les Mu'tazila, Abul Hassan al-Ash'ari, pendant 40 ans il était dans la secte des Mu'tazila. Et les Mu'tazila, ils nient les attributs d'Allah. Et à l'âge de 40 ans, il s'est repenti. Il est monté sur le minbar et puis il a dit, je sors de la secte des Mu'tazila et je reviens à la croyance des gens de la Sunna. Yani, et à ce moment-là, il commençait à affirmer des attributs. Il a affirmé 7 attributs. Mais en réalité, c'était une voie intermédiaire parce qu'il n'avait pas encore trouver la sunna pure, l'affirmation complète des attributs au complet, ça c'est venu par la suite, hein, parce que ça c'était sa deuxième étape. Il est passé par 3 étapes, la période de l'i'tizal quand il était mu'tazili, après il a quitté les mu'tazila, il a pris une voie intermédiaire entre la voie des salaf et la voie des mu'tazila, donc il mélangeait un peu des deux. Puis à la fin de sa vie, il est revenu à la voie des salafs et l'affirmation des attributs, et on dit que c'était sur ça qu'il est mort. Et les preuves qu'il est revenu, c'est qu'à la fin de sa vie, il a écrit ces livres-là, des livres comme Al-Ibana fi Usul al-Diyana, qui affirme la croyance en les attributs d'Allah et qui réfute les gens de Kalam, et aussi un autre livre qui s'appelle Maqalatul Islamiyin. Et dans le livre Maqalatul Islamiyin, il réfute également les gens de Kalam, et il mentionne la position des salafs, que c'est d'affirmer, hein, les attributs d'Allah. Donc ça fait partie des exemples à ce sujet. Et donc c'est important de comprendre ça. Donc c'est pour ça qu'on dit que Abul Hassan al-Ash'ari lui-même aujourd'hui, hein, il est considéré comme un imam parmi les imams d'Ahlus Sunnah, ou un alim parmi les ulama d'Ahlus Sunnah. Même si les gens aujourd'hui qui prétendent suivre Abul Hassan al-Ash'ari, ce qu'on appelle al-Ash'ariya, eux aujourd'hui ne suivent pas sa dernière position, la position d'Ahlus Sunnah. Ils continuent à suivre sa position intermédiaire lorsqu'il mélangeait la voix des gens de Kalam et la voix des gens de, hein, qu'ils prétendaient être la voix des salafs. Donc c'était un mélange un petit peu, et c'était pas clair, et c'était pas parce que c'est quelqu'un, quand tu dis quelqu'un est resté 40 ans dans la voie des Mu'tazila, les Mu'tazila c'est pas des gens qui étudient le hadith, donc ils connaissaient pas vraiment solidement la sunna, hein. C'est pas quelqu'un qui avait étudié les hadiths et qui avait donné toute son attention, puis qui avait fréquenté les gens de la sunna. Donc il connaissait des choses de la sunna, mais très, très peu par rapport aux imams de la sunna. Et c'est pour ça que quand il est revenu à la sunna au début, ou quand il a voulu abandonner la secte des Mu'tazila, il n'est pas tout de suite revenu à la bonne voie du premier coup. C'est par la suite, il a dit, je suis la voie de l'imam Ahmad, hein, à la fin de sa vie, puis il est revenu la plupart de ses erreurs. Non. Abul Hassan al-Ash'ari, il est mort des années après l'imam Ahmad, le dernier des 4 imams. Et justement, à ce sujet, j'avais écrit un petit... Oui, effectivement. Ben, j'en ai parlé dans des audios, mais aussi j'avais fait un petit résumé en texte, si je peux le retrouver là. C'était un petit résumé qui expliquait la date de naissance de chacun de, des imams, puis la différence avec les gens de la sunna aujourd'hui. Attends, oui, je l'ai trouvé. C'est ça. C'est que, bon, souvent les Asha'ira aujourd'hui, ils prétendent suivre les madahib. Un parmi les madahib de Ahl al-Sunna. Hein? Et par exemple, tu vas trouver des Malikiya. Ils disent, nous on est Maliki dans le fiqh, puis Ash'ari dans l'aqida. Ou bien tu vas trouver des Hanafi. Ils vont dire, nous on est Hanafi dans le fiqh, mais dans l'aqida on est Maturidi. Et al-Maturidiya, c'est presque la même chose que l'Ash'ariya. Hein? C'est l'Ahlul Kalam, c'est des gens de Kalam. Les Shafi'iya, la même chose. Ils disent, nous on est Shafi'i dans le fiqh, mais on est Ash'ari dans l'aqida. Puis il y a parmi les Hanabila, mais la plupart des Hanabila sont sur la Sunna, parce que l'imam Ahmad est resté ferme longtemps sur la, il a réfuté les Mu'tazila. C'est pour ça qu'on l'appelle l'imam Ahl Sunna. Donc ils peuvent pas vraiment facilement prétendre être Hanbali, hein. Des fois même quand un des savants parmi les savants de différents madahib, s'il était, par exemple, Shafi'i ou Maliki, mais qu'il affirmait les attributs d'Allah, puis qu'il était sur la aqidah des salafs, il disait, lui, c'est un Hanbali. Hein? Il disait, lui, il est Hanbali. Pourquoi? Parce qu'il affirme les attributs, il est sur la voie de Ahl al-Sunnah. Donc, mais malgré tout, il y a certains Hanabila qui ont dévié dans ça, et qui ont suivi la voie des gens de Kalam. Toutefois, c'est quand même moins que dans les autres mazahib. La vérité, en fait, c'est que les Asha'ira, ils se cachent derrière le nom des quatre imams pour se donner une crédibilité. Parce que la vérité, c'est que les quatre imams auxquels les mazahib sont attribués aujourd'hui, al-Maliki, al-Hanafi, al-Maliki, al-Shafi'i, al-Hanbali, ces quatre mazahib sont absolument innocents de la bid'a des Asha'ira, de l'Ash'ariya, et de la ta'wil al-sifat ou tahrif al-ma'ani ou kada. Donc premièrement, parce que celui à qui est attribuée la croyance des Asha'ira, Abu al-Hassan, son nom c'est Abu al-Hassan Ali ibn Ismail al-Ash'ari. Ali ibn Ismail, c'est son nom. Et il est al-Ash'ari al-Basri. Il est né à Basra. Et il est né en 260 de la Hijra. Et il est mort en 324 après la Hijra. Tandis que les quatre imams, ils sont tous morts avant Abu al-Hassan al-Ash'ari. Hein? Ils sont tous morts avant sa naissance. Sont tous morts avant la naissance de Abu al-Hassan al-Ash'ari. Donc c'est ça qui est étrange. Comment quelqu'un qui dit, par exemple, moi je suis Maliki et je suis Ash'ari, et pourtant l'imam Malik il est mort avant al-Ash'ari. Donc l'imam Abu Hanifa, son nom c'est An-Nu'man ibn Thabit, et il est né en l'an 80 de la Hijra, et il est mort en l'an 150. Rahimahullah. L'imam Malik, sa kunya c'est Abu Abdullah. Son nom c'est Malik ibn Anas. Il est né en l'an 93 de la Hijra et il est mort en l'an 179. Hein? Rahimahullah. Donc 179, il est mort bien longtemps avant, hein, la naissance de Al-Ash'ari, Abu al-Hassan. Et l'imam Abu Abdullah, Muhammad ibn Idris al-Shafi'i, son nom c'est Muhammad ibn Idris al-Shafi'i, il est né en l'an 150 de la Hijra et il est mort en l'an 204, rahimahullah. Il est mort jeune, il a vécu 54 ans seulement. Il est né en 150, il est mort en 204. Oui. L'imam Shafi'i, c'est un des élèves de l'imam Malik. Il a mémorisé Al-Muwatta de l'imam Malik. Hey, non. Il a étudié avec lui. Et ensuite, l'imam Abu Abdullah Ahmad ibn Hanbal. Et Ahmad ibn Hanbal aussi était l'imam de, était l'élève de Shafi'i. Et il était, et l'imam Shafi'i a étudié aussi avec l'imam Ahmad. Ils ont appris l'un de l'autre aussi. Hein? Ils étaient en même temps élèves et professeurs de, l'un de l'autre. Et, yani, l'imam, donc, ça c'est, l'imam Ahmad, lui, il est né en quelle année? 164. Il est né en 164 de la Hijra. Et il est mort en 241. 71 ans. Et puis, donc, ça veut dire que tous ces quatre imams, ils sont tous nés avant de, l'an 260. Et Al-Ash'ari, il est né en 260. Certains disent 270, certains disent 260. Non, ils sont pas les élèves. Il y en a qui disent Abu Hanifa. C'est peut-être le seul des quatre imams qui a étudié avec un d'entre les sahabes. Et certains disent non. Peut-être il l'a étudié avec des tabi'i, des tabi'in, des élèves des sahabas, mais pas avec des sahabas. Ils ont étudié avec des élèves des sahabas, c'est-à-dire des grands, les plus anciens parmi les tabi'in. Oui. Mais pas ou bien des tabi'in, mais pas avec des sahabas. C'est proche, oui. C'est proche, mais quand même, il faut penser que la hijra, c'est pas la date de la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est la date de la hijra, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort 10 ans après. D'accord? Puis les sahaba, donc, c'est ça. Après ces quatre imams sont tous morts donc avant la naissance de Abu al-Hasan al-Ash'ari, il n'est donc pas possible de prétendre que ces imams étaient Asha'ira dans la croyance. Hein? Puisque la croyance, elle existait. Cette croyance-là n'existait pas à l'époque de ces quatre imams. Et la vérité, c'est que tous les quatre imams de Ahl al-Sunnah, ils étaient sur la aqida des salafs. Ils affirmaient les attributs, ils ne faisaient pas de tahrif, ils ne faisaient pas de ta'wil, ils ne faisaient pas de ta'til, hein? Ils ne faisaient pas de takif, hein? Et ainsi de suite. Ils ne faisaient pas de tashbih. Et ils étaient sur la aqida des salafs. La même chose pour les autres imams, parmi les imams de hadith et les imams de la sunna, comme l'imam al-Bukhari. L'imam al-Bukhari, son nom c'est Muhammad ibn Ismail. Muhammad ibn Ismail, il est né en l'an 164, il est mort en l'an 256. Hein? 256, donc 4 ans avant la naissance de Abu al-Hasan al-Ash'ari. Hein? Et il y en a d'autres qui sont nés après, l'imam Muslim. L'imam Muslim, c'est l'élève de Al-Bukhari. Et il est né en 204. Et il est mort en 261. L'imam Az-Zuhri, c'est un des grands imams aussi parmi les imams d'Ahl Sunnah. Et l'imam Az-Zuhri, lui, il est mort en l'an 128. Sa date de naissance, on ne connaît pas, mais sa date de décès, c'est l'an 128 de la Hijra. Donc il était ancien, hein, à la même époque que Abu Hanifa à peu près, même il est décédé même avant l'imam Abu Hanifa. Il s'appelait Az-Zuhri, mais j'ai oublié son prénom. Ça, Az-Zuhri, c'est son laqab, c'est son surnom. L'imam Al-Awza'i aussi, l'imam Al-Awza'i qui est mort en l'an 157, hein, presque à peu près aussi la même période que l'imam Malik et l'imam Abu Hanifa. Et également l'imam Ishaq ibn Rahouya, un des grands imams parmi les imams des salafs. Il est né en 166, il est mort en 238. Et l'imam Abu Hatim al-Razi et Abu Zur'a al-Razi, on les appelle les deux al-Raziyan, hein, parce qu'ils viennent de la ville de Ray. Et les habitants de Ray, on les appelle al-Razi. On dit quelqu'un qui vient de Ray, on dit il est Razi. C'est dans la région de l'Irak ou quelque part dans ce coin-là. Là. La Perse, l'Irak. Si je ne me trompe pas, c'est dans ce coin-là. Et l'imam Abu Hatim, il est né en 195, il est mort en 277. Et l'imam Abu Zur'a, il est né en l'an 200, il est mort en l'an 264. Et il y a aussi l'imam Ali ibn al-Madini, hein, qui est né en 161, qui est mort en 234. Tout ça, c'est des grands imams parmi les imams d'Ahl Sunnah. Donc ça, c'est la première raison pourquoi ces quatre imams, ils n'ont rien à voir avec la aqidah d'Abul Hassan. Et la deuxième raison pourquoi ils n'ont rien à voir avec Abul Hassan al-Ash'ari, c'est que Abul Hassan al-Ash'ari, il a vécu 40 ans dans la secte des Mu'tazila. Ça veut dire qu'il est resté jusqu'à l'an 300 à peu près dans la secte des Mu'tazila. Alaykoum salam wa rahmatullah. Et la croyance des Asha'ira n'a commencé à se propager que bien après la mort de Abul Hassan al-Ash'ari. Donc, c'est pas devenu quelque chose qui s'est propagé tout de suite du premier coup. C'est après, ça a pris peut-être 200 ans ou 200 ans après pour que ça commence à se propager avec les élèves de al-Ash'ari, puis que, ou bien avec ceux qui ont pris sa croyance intermédiaire, qui l'ont propagée par la suite, et jusqu'à ce que certains parmi les dirigeants de l'époque soient influencés par cette croyance-là, puis qu'ils commencent à l'imposer dans leur dans l'endroit où ils ont vécu. Même dans le Maghreb, les gens connaissaient que la aqidah de l'imam Malik, la aqidah salafiyya. Même l'imam Ibn Abi Zayd al-Qayrawani, qui était dans la région de Al-Qayrawan, la mosquée Al-Qayrawan, quand on lit l'introduction de son livre, Al-Risala, il y a la aqidah des salafs dedans. C'est en Tunisie aujourd'hui. Et l'imam Malik, sa aqidah, tous ceux qu'on appelle Al-Murabitoun, la Dawlatul Murabitin, ils étaient tous sur l'aqidah d'Ahl Sunnah, l'aqidah des salafs. C'est après quand sont venus Al-Muwahidoun, c'est eux qui ont ramené l'aqidah Ash'ariya dans le Maghreb. Hein? Parce que Ibn Tumart, il y a un qui s'appelle Ibn Tumart, et lui il est parti en Orient, il a étudié avec Al-Ghazali, qui était lui un Ash'ari, et c'est lui qui lui a enseigné l'Ash'ariya, et lui il l'a ramené au Maghreb, et c'est lui qui l'a imposé même. Il l'a même imposé par l'épée. Hein? Tous ceux qui n'acceptaient pas, à un moment donné, il disait qu'il était le Mahdi. Quand il approchait dans les différentes régions du Maghreb, il disait qu'il était le Mahdi. Puis il passait tout le monde à l'épée qui n'acceptait pas sa aqida. Et de lui est apparu par la suite Ad-Dawla al-Muwahidoun. Bon, je ne connais pas tous les détails, mais se sont appelés les Muwahidoun parce qu'ils prétendaient que c'est eux qui étaient sur le vrai Tawhid. Parce qu'eux, ils pensaient que le fait d'affirmer les attributs, c'était pour eux une bid'a, c'était comme du shirk pour eux, parce que c'est du tashbih. Donc ils pensent que le fait de nier les attributs, ça c'est ça le tawhid. Faut nier les attributs pour être sur le tawhid. Non, c'est ça le malheur. Et c'est pour ça que maintenant dans le Maghreb, la aqidah qui est propagée, c'est la aqidah ash'ariya. Si tu vas à Qayrawan, si tu vas dans d'autres endroits dans le Maghreb aujourd'hui, la aqidah qu'ils enseignent, c'est la aqidah ash'ariya, à cause de ça. En Égypte, la même chose. L'école qu'on appelle Al-Azhar, qui a été construite à l'époque des Batiniya, ce qu'on appelle les Fatimiyoun, c'est eux qui ont construit Al-Azhar. Puis, quand Salah ad-Din Ayyubi est venu, hein, il a retiré les Batiniyin et il a établi les Asha'ira dans Al-Azhar. Et pour qu'ils enseignent à l'Ash'ariya. C'est pour ça que jusqu'à aujourd'hui, ils enseignent à l'Ash'ariya. Le livre qu'ils enseignent maintenant à l'Azhar pour l'Aqidah, c'est le livre qui s'appelle Jawharat al-Tawhid. Et avec le sharh de Al-Bayjouri. Et tout c'est l'Ash'ariya. C'est tous basé sur Ilm al-Kalam. Puis la négation des attributs, puis des choses comme ça. Na'am, nasallallahu al-afiyah. Donc ça, c'était juste pour clarifier, yani, à ce sujet-là, pour que on comprenne en fait. Mais sinon, la réalité, c'est que l'Ash'ariya, Abu al-Hassan al-Ash'ari, à la fin de sa vie, il s'est repenti, puis il est revenu à la voie de Ahl-Sunnah avant de mourir. Donc, il dit donc que les gens de la Sunnah sont tous d'accord que Allah a deux yeux, et ça, c'est cet ijma', ce consensus-là, il a été rapporté par Abu al-Hassan al-Ash'ari lui-même. Il dit مِمَّنْ اِعْتَنَوْ بِنَقْلِ الْآثَارِ عَلَىٰ أَنَّ أَهْلِ السُنَّةِ أَجْمَعُوا عَلَىٰ أَنَّ لِلَّهِ عَيْنَيْنِ اثنتين فقط وَأَمَّا مَنْ قَالَ بَلْ لَهُ أَعْيُنٌ كَثِيرَةٌ لَا تَنْحَصِرُ بِاثْنَتَيْنِ قَوْلُهُ خَطَأ لَا شَكَّ مِنْ وَجْهَيْنِ أَوَّلًا أَنَّهُ مُخَالِفٌ لِإِجْمَاعِ السَّلَفِ وَثَانِيًا أَنَّهُ مُخَالِفٌ لِلدَّلِيلِ والدليل سبق الكلام عليه وهنا دليل أوضح وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم في الدجال إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. Donc il dit que yani les donc ceux qui ont rapporté les narrations des salafs et les paroles du prophète صلى الله عليه وسلم, ils ont établi le consensus que les gens de la sunna ont affirmé que Allah a seulement deux yeux. Et ceux qui disent qu'il a plusieurs, hein, ou qu'il a plus que deux yeux, ou qu'il a un innombrable nombre de, un nombre innombrable de, ou un nombre illimité de yeux, alors il dit ça c'est une erreur. Il n'y a pas de doute, premièrement parce que ça contredit le consensus des salafs, et deuxièmement parce que ça contredit la preuve, on a déjà mentionné la preuve, et il dit il y a même une autre preuve encore plus claire que à ce sujet-là, rapportée par Al-Bukhari et Muslim, selon Anas, et c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui parle à propos du Dajjal, hein, le faux messie qui va venir à la fin des temps, et il a dit à son sujet qu'il est borgne et que votre Seigneur n'est pas borgne, parce qu'à la fin des temps, quand le Dajjal va venir, il va dire qu'il est Allah, il va prétendre que c'est lui Allah, et il a dit mais sachez que le Dajjal, il est borgne et votre Seigneur, il n'est pas borgne. Hein? Donc, c'est pour dire, ne vous laissez pas tromper par lui. Ensuite, le Cheikh, il dit وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُ النَّبِي صَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ إِنَّهُ بِأَعْوَرْ وَلَيْسَ بِأَعْوَرْ وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرْ. Est-ce que tu as changé les... On a changé les heures. Hein? Tu as remarqué? Ok, parfait. نعم وإن ربكم ليس بأعور الدجال هو رجل من بني آدم يبعثه الله في آخر الزمان فتنة للناس يدعي أول ما يظهر كما قال بعض المؤرخين النبوة ثم في التالي يدعي أنه رب وإله ويعطيه الله عز وجل من الآيات ما به فتنة للمفتونين للمفتتنين أو للمفتتنين حيث يأتي إلى القوم ويدعوهم إلى نفسه وأنه رب فإذا أبوا أصبحوا ممحلين أي أن أرضهم يموت نباتها ولا يبقى لهم شيء وكذلك أيضا بهائمهم تموت وإذا دعا القوم فأجابوا دعوته دعا السماء فأمطرت وهم يشاهدون يا سماء أمطري فتمطر يا أرض أنبتي فتنبت فتعود إليهم سارحتهم أوفر ما تكون لحما وشحما وضرعا وهذه فتنة عظيمة لا سيما عند البادية فهذا الرجل الدجال يفتن الناس ومن شدة الفتنة والذهول لا يتدبر الإنسان تدبرا عقليا يعرف به أن هذا ليس بإله. ولهذا أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم آية بل آيات على أنه ليس بإله، فقال واعلموا أن ربكم لن تروا أن واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. Donc le cheikh il explique qu'à propos du hadith qu'on a dit sur le Dajjal qu'il est borgne et que votre Seigneur lui il n'est pas borgne, il dit premièrement le Dajjal c'est un être humain, il fait partie des fils d'Adam, donc c'est un être humain comme les autres. Allah subhanahu wa ta'ala va le faire venir à la fin des temps, il va le faire apparaître à la fin des temps comme un test pour les hommes, comme une fitna pour les hommes. Et au début quand il va apparaître, comme certains historiens l'ont mentionné, il va venir, il va dire qu'il est un prophète au début. Puis après, il va prétendre qu'il est un dieu, qu'il est une divinité. Et Allah subhanahu wa ta'ala va lui donner des signes ou des prodiges qu'il va faire qui vont être une épreuve et une tentation pour les hommes. Parce que il va arriver à des gens et il va appeler les gens à l'accepter et à l'adorer et à le suivre. Il va dire aux gens, suivez-moi, adorez-moi. Il va dire, c'est moi votre Seigneur. Et si les gens l'acceptent, ceux qui l'acceptent pas, ou ceux qui refusent de l'accepter, il va faire mourir leur terre. Il n'y a plus rien qui va pousser sur la terre. Et leurs animaux et leur bétail vont tous mourir. Et ceux qui vont l'accepter et qui vont répondre à son appel, il va dire au ciel, fais tomber la pluie. Et la pluie va tomber. Il commande au ciel, fais tomber la pluie, et la pluie tombe. Et eux, ils vont voir ça. Il dit, fais tomber la pluie, et la pluie tombe. Le changement de l'heure. Et il va dire à la terre, fais pousser les plantes, fais pousser les légumes. Et la terre va devenir toute verte. Donc le Dajjal, il a ce pouvoir-là. C'est incroyable. Ça va devenir quelque chose qui va être une grande tentation pour les gens. Même lorsque les gens vont l'accepter, ceux qui vont croire en lui, il va même faire vivre leur bétail, et leur bétail, leurs animaux vont avoir beaucoup de viande, beaucoup de graisse, ça va être des animaux qui vont donner beaucoup de nourriture, beaucoup de biens, beaucoup de lait. Et ça c'est important pour les gens, surtout les cultivateurs, les fermiers, les gens de la campagne, les gens qui vivent, qui ont besoin de leur bétail par exemple. Et donc le Dajjal il va éprouver les gens, il va tester les gens. Ça va être une grande épreuve, une grande fitna. Et les gens vont beaucoup de gens vont le suivre aveuglément, vont le suivre en voyant tout ce qu'il fait. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a donné des signes pour qu'on puisse le reconnaître. Il a dit, il nous a donné des signes pour qu'on puisse reconnaître que il n'est pas une divinité, il n'est pas Dieu. Et parmi les exemples qu'il a mentionnés, ce qui est rapporté par l'imam muslim, selon Ibn Umar, radiyallahu anhuma, il a dit, sachez que vous n'allez pas voir votre Seigneur jusqu'à ce que vous mouriez. Donc, il ne peut pas être votre Seigneur, puisque tant qu'on est vivant, on ne peut pas voir Allah dans ce monde. On va seulement voir Allah après la mort. Donc, si quelqu'un dans ce monde prétend qu'il est Allah, alors ce n'est pas Allah. Parce que Allah, on ne peut pas le voir dans cette vie. Il dit, وَهَذِهِ الْآيَةِ يَعْقِلُهَا الْقَلْبِ وَلَكِنْ ربما لشدة الأمر ينسى هذه الآية وهناك آية حسية وهي أنه مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل مؤمن الكاتب وغير الكاتب فحتى الذي لا يعرف الكتابة أو القراءة فهذه آية حسية لا يذهل عنها الإنسان لأنه يشاهد الرجل. كذلك هناك علامة حسية أخرى وهي أنه أعور فإحدى عينيه عوراء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والروايات مختلفة هل اليمنى أو اليسرى، المهم أنه أعور وهذه علامة فارقة لقوله صلى الله عليه وسلم إن ربكم ليس بأعور. Donc le cheikh il dit que il y a d'autres signes également. Il dit donc c'est, si on connaît ces signes-là, est-ce qu'on va tomber dans son piège? Il dit non, mais en réalité, malgré ça, il y a des gens qui vont le suivre quand même. À cause de la gravité de la situation, et peut-être aussi les gens ils vont oublier. Peut-être que des gens ils vont oublier le hadith, ils vont oublier les signes et les exemples. Et il dit, il y a aussi des exemples concrets aussi, des choses visibles. Comme par exemple le fait que, comme c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, qu'il y aura écrit sur son front, entre ses deux yeux, le mot kafir. Il y aura le mot kafir qui va être écrit entre ses deux yeux. Subhanallah. Donc, ça, ça fait partie des exemples qui va permettre aux croyants de le reconnaître. Il dit, tous les croyants vont pouvoir le lire. Même celui qui ne sait pas lire, il va lire ça sur son front. Kafir. Il dit, لِأَنَّهُ يُشَاهِدُ الرَّجُلُ. Donc ça, c'est un signe apparent. Il y a d'autres signes également, c'est que parmi les signes, c'est qu'il est borgne. Il voit seulement d'un de ses deux yeux. Il y a un de ses deux yeux duquel il ne voit pas. Et il y a différentes narrations au sujet de cet œil-là. Est-ce que c'est l'œil gauche ou est-ce que c'est l'œil droit qui est borgne? L'important, c'est qu'il est borgne. Pas à savoir est-ce que c'est le gauche ou le droit. Il dit l'important c'est qu'il est borgne et ça c'est un signe distinctif. Et il dit et votre Seigneur lui il n'est pas borgne. Donc ça veut dire que si vous le voyez vous savez qu'il ne peut pas être votre Seigneur, donc il ne peut pas être Allah. Donc vous ne devez pas l'adorer et vous ne devez pas le suivre. Il dit wa wajhud dilala. Donc ça c'est pour les musulmans, ça va être simple et clair. Si un musulman il a étudié le tawhid, il connaît la sunna, il connaît les hadiths et les preuves, il ne va pas tomber. Inch'Allah, il va être protégé contre le dajjal. Mais celui qui est ignorant, ou celui qui est sur la bid'a, ou celui qui est dans une autre religion d'égarement, il ne va pas distinguer. Même aujourd'hui, les chrétiens. Je vous jure, les chrétiens, si tu lui dis aujourd'hui, il ne peut même pas distinguer qui est Allah, qu'est-ce qui est Allah, qu'est-ce qui n'est pas Allah, qui est Dieu, qui n'est pas Dieu. Si tu demandes à un chrétien, par exemple, est-ce que tu peux, parce qu'eux, ils disent que Jésus, c'était Dieu. Ils disent Jésus, c'était Dieu incarné. Dieu s'est fait chair. Il est devenu un être humain qui marchait sur la terre et c'était Jésus. Ils disent qu'il était Dieu. Et il était le fils de Dieu aussi. Les deux. Parce qu'ils disent que le Père, le Fils et le Saint-Esprit, les trois forment un. Ils sont un seul. Donc, il est le Père et il est le Fils en même temps. Donc, il est Dieu. Pour eux, Jésus, c'est Dieu. Et donc, si tu demandes à ces gens-là, tu dis oui, mais est-ce qu'ils mangeaient? Ils disent oui, ils mangeaient. Est-ce qu'il buvait? Oui, il buvait. Est-ce qu'il dormait? Oui, il dormait. Est-ce que si il se coupe, est-ce qu'il saigne? Oui. Est-ce que il y a des choses qu'il ne connaît pas ou qu'il ignore, ou il y a des choses qu'il ignore. Alors dans ce cas-là, comment tu vas dire qu'il est Dieu? Mais quand ils, dans la Bible, c'est écrit dans le Nouveau Testament, c'était quand un homme est venu voir Jésus, il lui a dit, hein, ça c'est dans la Bible, le Nouveau Testament là, qu'est-ce qu'ils ont aujourd'hui entre leurs mains. Dans un passage, c'est mentionné, un homme est venu voir Jésus, lui a dit, dis-moi quand est-ce que va être l'heure du jugement dernier? Ça va être quand l'heure du jugement dernier? Et lui, qu'est-ce qu'il a répondu? Il a dit, personne ne sait l'heure, seulement Dieu. Alors ça veut dire que lui, il n'est pas Dieu. Parce que s'il était Dieu, il aurait su. Hein? Comment s'il est un avec Dieu, Dieu sait puis lui ne le sait pas? C'est pas possible. C'est... Exactement. Ils disent qu'il est mort pendant 3 jours. Puis le 3e jour, il est ressuscité. Donc, pendant les 3 jours, qui est-ce qui contrôlait l'univers? Hein? Et comment il peut mourir s'il est Dieu? Et s'il ne peut pas mourir, comment il peut ressusciter? Et s'il n'est pas ressuscité, selon eux, il ne peut pas sauver l'humanité de leurs péchés. Donc, c'est un paradoxe absolu. Hein? Et c'est quelque chose de complètement insensé. Hein? C'est une religion étrange. La religion chrétienne, c'est une religion étrange, qui fait aucun sens. Mais pour dire, ces gens-là, aujourd'hui, une fois j'ai posé la question, j'ai dit, est-ce que tu es capable de prouver à quelqu'un qu'il n'est pas Dieu? Comment tu vas lui prouver? Il n'est pas capable. N'importe qui peut aller voir un chrétien, il va lui dire, je suis Dieu, il ne pourra pas savoir comment lui prouver que ce n'est pas vrai. Parce que s'il n'est pas capable d'établir que Jésus n'est pas Dieu, alors il peut dire que n'importe quel être humain sur terre est Dieu. Parce que la même chose, qu'est-ce qu'il va poser comme question? Il dit non, mais non, tu n'es pas Dieu parce que hein, ce n'est pas toi qui as créé. Est-ce que c'est Jésus qui a créé? Ce n'est pas Jésus qui a créé, il est sorti du ventre d'une femme. Et puis il va te dire, oui, mais Dieu il sait tout. Jésus, il y a des choses qu'il ne savait pas. Hein? Donc la même chose que eux, qu'est-ce qu'ils vont dire à propos d'un autre être humain, tu peux le dire à propos de Jésus. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce qui fait la différence? Donc ça veut dire, soit que vous dites que tout le monde est Dieu, ou soit que vous dites que Jésus n'est pas Dieu. C'est soit ça ou ça. Hein? Et donc... C'est pour ça que parmi les chrétiens, il y a toujours des gens qui viennent, de temps en temps, ils apparaissent, ils se prétendent être des prophètes. Hein? Ils se prétendent être Jésus, ils se prétendent être Dieu, des trucs comme ça. Allah musta'an. Mais nous, on a des signes. Déjà, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, vous n'allez pas voir votre Seigneur tant que vous n'allez pas mourir. Donc, tant qu'on est vivant, on ne peut pas voir Allah. S'il y a quelqu'un sur terre qui vient et dit « Je suis Allah », on va savoir qu'il ment, parce qu'on n'est pas mort. Hein? Aïna. « Walakin unzur ila al-jabal » Comme on a dit tout à l'heure, il a dit « Regarde la montagne. Si elle se tient sur place, tu vas me voir. » Et quand il s'est manifesté à la montagne, elle s'est pulvérisée. Hein? Aïna. On peut pas voir Allah dans cette vie d'ici-bas. إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا donc ça c'est ça. Allah subhanahu wa ta'ala il parle aux êtres humains, soit qu'il envoie une révélation, soit qu'il parle derrière un voile, ou bien il envoie un messager. Donc tout ça c'est des preuves, hein? De même que Allah subhanahu wa ta'ala il n'est pas borgne, tandis que le Dajjal il est borgne. Il y a un de ses deux yeux, il fonctionne pas. Il est comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a décrit comme un raisin. Hein? Un raisin qui est pourri ou quelque chose comme ça. Donc, il voit pas d'un de ses deux yeux. Et il a dit, et votre Seigneur, il n'est pas borgne. Donc ça, c'est la preuve que Allah subhanahu wa ta'ala, il a deux yeux réels. Il dit, وَوَجْهُ الدِّلَالَةِ مِنَ الْحَدِيثِ عَلَىٰ أَنَّ اللَّهَ لَهُ عَيْنَانِ فَقَطْ وهو أنه لو كان أكثر من عين لكانت هذه الكثرة كمالا لأن كل صفة يتصف الله بها فهي كمال ويحصل بها العلامة الفارقة بين الدجال والرب. فإذا كان الله عز وجل له ثلاث أعين وهذا الدجال له عينان فيكفي أن يتميز الخالق من هذا الدجال. فلما لم يذكر الثلاث علم أنه ليس لله ثلاث وأن له اثنتين فقط يشاركه فيهما الدجال في كون عيني الدجال اثنتين، ولكن تتميز عين الخالق عز وجل بأنها كاملة وليس فيها نقص، وعين الدجال بأنها عوراء. وبهذا يتقرر تقررا تاما تنبني عليه العقيدة بأن الله ليس له إلا عينان اثنتان، وهو ما أجمع عليه أهل السنة، فهذا الذي نؤمن به، وليس لله أكثر من عينين. Donc le cheikh il dit, et qu'est-ce qu'on tire de ce hadith là, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, s'il avait plus que deux yeux, il aurait mentionné. Et donc ici on voit qu'il a mentionné que le Dajjal il est borgne, il a deux yeux, mais il voit seulement il y en a un des deux seulement qui fonctionne. Donc si Allah avait plus que deux yeux, il aurait mentionné, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'aurait mentionné dans ce hadith là. Et puisqu'il ne l'a pas mentionné, ça c'est la preuve qu'il a seulement deux yeux et non pas plus que ça. Ensuite, il mentionne que ça c'est une règle sur laquelle on établit la aqida. C'est que Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a que deux yeux, et c'est ça la position sur laquelle tous les savants d'Ahlus Sunnati wal Jama'a se sont tous mis d'accord. Et il y a un consensus sur cette question-là. Et donc c'est ce en quoi nous croyons, que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas plus que deux yeux. وبهذا نعرف أن عين الله عز وجل جاءت مرة بالإفراد ومرة بالجمع فقط ومرة بالتثنية، لكنه حديث ضعيف، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم يصلي فإنه بين عيني الرحمن. فهذا الحديث ذكره ابن القيم رحمه الله في الصواعق المرسلة، إلا أنه ضعيف، لكننا في الحقيقة في غنى عنه بحديث الدجال. Donc il dit que Allah, donc c'est, par cela on peut savoir que Allah subhanahu wa ta'ala il a donc un œil, il a l'attribut de la vue et il a un œil. Et dans certains textes, c'est mentionné par le singulier. Dans d'autres textes, c'est mentionné avec le pluriel qu'on a mentionné tout à l'heure. Et c'est le pluriel de la majesté et de la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans d'autres textes, c'est mentionné au duel. Mais le duel, il dit que ça, c'est faible. C'est mentionné dans un hadith qui n'est pas authentique. Et que l'imam Ibn al-Qayyim l'a mentionné dans son livre As-Sawa'iq al-Mursala, mais que c'est da'if ce hadith là, et que le hadith du Dajjal à propos du fait qu'il est borgne, que ça nous suffit, que ça nous suffit. Et il dit donc: فَإِذَا قَالَ قَائِلٌ فَمَا الْجَمْعُ بَيْنَ الْمُفْرَدِ وَالْجَمْعُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِ وقوله تجري بأعيننا، قلنا الجمع هنا. Bon, on va s'arrêter ici. Le reste, on va l'expliquer au prochain cours, parce que déjà, on a fait presque une heure et demie là. Donc, on va s'arrêter maintenant à cet endroit-là. Puis la suite, on l'expliquera au prochain cours, Inch'Allah. La suite à propos de l'attribut des yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala au prochain cours. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi.